Panthère. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bibli des petits. Je suis pas petit. Je suis grand. Bonjour. Je m'appelle Véronique Olmy et je vais vous raconter l'histoire des baisers envoyés. Cela faisait longtemps que Bonnie n'avait pas vu sa grand-mère, qui s'appelait Mimoun, et elle s'ennuyait d'elle. Elle était trop petite pour lui écrire, car elle n'avait pas encore appris à lire ni à écrire, elle avait 3 ans. Elle avait beau penser à elle très fort, lui parler parfois dans sa tête, lui raconter comme c'était difficile pour une petite fille qui avait attrapé la varicelle de rester chez soi, sans sortir, elle savait bien que Mimoun, qui habitait à l'autre bout de la ville, ne pouvait ni deviner ses pensées, ni entendre ses paroles. Il y avait donc, dans la vie de Bonnie, cette chose nouvelle et très désagréable qui lui faisait parfois un petit trou dans le cœur et des pics dans le ventre, une chose invisible et pourtant très puissante qui s'appelait l'absence. Or, voici ce qui se passa un matin, quand Julia, la maman de Bonnie, lui dit que sa grand-mère était au téléphone et souhaitait lui parler. Bonnie prit le téléphone, écouta attentivement, mais bientôt, ses yeux se plissèrent en jetant des éclairs furieux. Elle jeta le téléphone, courut à sa chambre, claqua la porte, et quand sa maman la rejoignit, elle la trouva en pleurs. Elle la prit contre elle, essaya de la consoler et comprit que la colère de Bonnie était en fait un énorme chagrin quand la petite fille lui confia « Mimoun m'a dit, ma chérie, je t'envoie plein de baisers et moi, je sais que ce n'est pas possible. Est-ce qu'on met les baisers dans une enveloppe ? Ou dans un carton pour les envoyer par la poste? Dans un sac qu'un livreur dépose sur le paillasson? C'est impossible. Les baisers, si on les envoie, on les perd. Et moi, je ne veux pas perdre les baisers de ma grand-mère. » Devant l'immensité de la peine de sa petite fille, Julia eut alors une idée. Ces baisers, Bonnie allait les recevoir. Et pour cela, il suffisait de faire une chose très simple qui ne demandait aucun outil, aucune enveloppe ni aucun carton, une chose que tout le monde pouvait faire, mais à une condition. Fermer doucement les yeux, respirer calmement et puis se concentrer. Oublier les bruits autour. Oubliez les démangeaisons des boutons de la varicelle. Oubliez l'envie d'un dessin animé. Tout oubliez sauf à penser très fort au baiser envoyé. Et c'est ce qu'elles firent. Blotties l'une contre l'autre, elles se concentrèrent pour suivre le voyage des baisers depuis la bouche de Mimoun jusqu'au visage de sa petite fille. Et voici ce qu'elles virent. Les baisers de Mimoun étaient 5, comme les doigts d'une main, et ils se tenaient forts, unis, 5 baisers inséparables. Il faisait très beau ce matin-là, et quand ils sortirent par la fenêtre, le soleil les prit dans ses rayons, ce qui les encouragea à s'aventurer au dehors. Quand ils arrivèrent dans la rue, c'était jour de marché, et il y avait tant de couleurs et tant d'odeurs qu'ils en furent étourdis et tournèrent au-dessus des étals des commerçants. Les énormes poissons posés sur la glace étaient un peu effrayants. Mais les baisers s'approchèrent tout près pour sentir l'odeur de la mer. Alors le vent se leva pour les encourager à s'éloigner car le chemin était encore long. Mais les baisers ne purent s'empêcher de virevolter au-dessus d'un panier de framboises rouges et veloutées qui sentaient le sous-bois et l'herbe coupée. Le vent, mécontent de leur indiscipline, les poussa plus haut vers le ciel. Et alors, les baisers remarquèrent comme, vu du ciel, le monde était encore plus beau que lorsqu'on le voyait d'en bas. Il paraissait extrêmement bien organisé. On voyait comme les rues étaient bien tracées, tout droit, et les arbres les bordaient sans dépasser du trottoir. Et les feuilles firent comme un petit bruit d'applaudissement quand le vent souffla dessus en passant. Attirés par un manège qu'ils apercevaient un peu plus loin, les baisers descendirent de nouveau. Tous ces chevaux qui tournaient, ces ampoules multicolores, ces rires d'enfants, comment y résister? Mais il ne fallait surtout pas que les baisers touchent un de ces enfants, car que se passerait-il alors? Eh bien, c'était simple. Un baiser posé sur un visage ou une main avait tout simplement fini sa mission. Aussitôt posé, aussitôt disparu. Les baisers allait effleurer le front d'une petite fille assise dans un carrosse doré quand le vent prit une forte inspiration et souffla si fort que les baisers se cognèrent contre le carrosse avant de remonter en tourbillonnant vers le ciel d'où ils virent le manège tanguer sous l'effet de la bourrasque. « Vous êtes content de vous ?» hurla le vent furieux aux baisers. « Bonnie vous attend dans sa chambre et vous ?» Vous n'en faites qu'à votre tête, vous me décevez terriblement. » Les baisers, un peu honteux, suivirent sagement le vent, passèrent au-dessus du bois et entendirent soudain des rugissements, des cris aigus, des barrissements, des grognements. Ils tremblaient de frayeur. Où étaient-ils ? Ils regardèrent en bas. C'était le zoo avec ces animaux venus du monde entier, comme sortis d'un livre d'images, magnifique spectacle. Puis, il y eut le grand boulevard, plein de voitures à traverser. La pollution les alourdit, ils eurent du mal à avancer. Alors le vent les poussa vers un nuage blanc et dodu qui les protégea et leur fit traverser le boulevard, les petites rues, puis passer au-dessus du chemin de fer, au-dessus des écoles et des crèches, et ils arrivèrent enfin jusqu'à la haute tour où habitait Bonnie, pile devant sa fenêtre, au dernier étage. « Vous êtes arrivés !» leur dirent le vent et les nuages, et ils disparurent. Mais sans leur aide, les baisers chutèrent jusqu'au rez-de-chaussée. Quel dommage ! Si près du but ! Comment allons-nous faire ? Se demandèrent-ils. Comment remonter tout en haut de cette tour sans l'aide du vent ? Ils réfléchirent un peu, très embêtés, et puis sentirent qu'il y avait en eux une grande force, car ils étaient tout gonflés de l'amour que Mimoun avait pour Bonnie. Et avec le souffle puissant de cet amour, ils remontèrent le long de la tour, voyant au passage les gens à chaque étage dans leur appartement. Des très âgés, des tout petits bébés, des enfants, des parents, des gens tout seuls et d'autres très nombreux. Des gens à la peau blanche, à la peau noire, à la peau jaune. Oh ! C'était très attirant, mais il fallait continuer à monter. 20e étage. 21e. La fatigue les prenait. 22e. Encore un effort. 23e. L'appartement de Bonnie. La fenêtre était ouverte. Ils entrèrent, passèrent dans le couloir, arrivèrent dans la chambre de la petite fille qui était assise sur son lit, blottie contre sa maman les yeux fermés. Ils se posèrent doucement sur sa joue. Et Bonnie reconnut l'odeur de muguet qui était celle de sa grand-mère. Elle ouvrit les yeux et la joie inonda son cœur. Et au même instant, à l'autre bout de la ville, Mimoun eut un grand sourire. Elle avait senti que ses baisers avaient embrassé sa petite fille. L'amour avait gagné, l'absence avait perdu. Bonnie et Mimoun ne se sentaient plus éloignées l'une de l'autre, mais tout près, et si heureuses à l'idée que bientôt, bientôt, après la varicelle, elles se retrouveraient et se donneraient d'autres baisers, encore. Et encore, en se prenant dans les bras et en se serrant très fort. En attendant, elles avaient vécu la plus magique et pourtant la plus simple des expériences. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit.